J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs, puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Salut à tous et bienvenue dans ce 28e numéro de Comics Discovery. Et si on commence à bégayer ou à galérer un peu, c'est parce qu'on vient d'enregistrer celle de la semaine prochaine. Spoiler. Donc voilà, c'est du spoiler. Comics. Voilà, exactement. Cette semaine, on va vous parler de quoi, Tokyo, de Tokyo Ghost. Oui. Je suis perdu. De Star Wars, parce qu'il y avait des ouais, news. On va faire des news, ouais. On va faire 2-3 petites news. Mais d'abord, on va dire bonjour à l'équipe, puisque ça fait une semaine qu'on était en vacances. C'était cool les vacances, non? C'était bien les vacances. Et est-ce que ça va, Mathieu, est-ce que ça va bien? Ouais, bien, et vous, tranquille? Ça va. Faye? Ouais, ça va, mais nous, on n'était pas trop en vacances. Oui, nous, on n'était pas trop en vacances, parce que nous, on avait une émission. Non, c'était... Oui, c'était vendredi dernier. C'est vendredi dernier. Qui a été rediffusé lundi. Qui a été rediffusé lundi, exactement. Voilà. On va quand même dire bonjour à Johnny et son fameux Halo. Non. Ah, pas de Halo. C'est bon, il a changé. Non, ça va, ça mais va tu bien. Devrais le déposer, hein, tu te ferais du fric. Je peux pas. Et Thomas, qui n'est pas en retard cette fois-ci, puisqu'il sera en retard la semaine. Putain, tu es en retard. Oh le spoil. La speed force. Excusez-moi d'avoir été en retard pour la semaine prochaine, du coup. Tu es en retard dans le futur. C'est bah, fou. Tu sais que c'est retour vers le futur. Bah ouais, c'est bien passé mes vacances. J'ai rien branlé, mais sinon c'était cool. Est-ce que t'as fait des vidéos? Ouais, j'ai regardé des vidéos si tu préfères. Tu as regardé des vidéos, d'accord. Du coup, t'as une semaine pour les Rebirths pour la semaine prochaine, non? Ah ouais. Attends, je sais plus. Bon, on va enchaîner sur les news quand même. Ouais. On va faire 2-3 petites news. Et ce fameux, il n'y a pas eu de générique news, mais c'est pas grave. On va enchaîner. Non, c'est le bad news. Tu l'aurais pas oublié, générique news? Non, je ne l'ai pas oublié, je ne sais pas. Bon, on va enchaîner avec ma première news. Je vous avais parlé de Génération il y a quelques temps, qui était un truc que Marvel avait teasé. On ne savait pas si c'était une nouvelle ongoing, une mini-série, une maxi-série, ou on ne sait quoi. Mais en fait. Ou un reboot, exactement. Mais en fait, non, ça va être une nouvelle maxi-série. De 10 numéros, et en fait c'est un concept un peu bizarre. Vous allez avoir 10 numéros avec chaque fois un team-up différent, un team-up d'auteurs et un team-up de personnages, et parce que en fait il va y avoir une équipe créative et une équipe différente sur chaque numéro, sur les 10 numéros. Et on va enchaîner je avec... Je comprends rien du tout. Mais vous allez comprendre. Sur les 10 numéros il y a un titre. Moi je vais vous donner le titre, vous devez me dire qui sont les deux personnages qui vont arriver dans... Attends, répète. Donc je vous donne un titre. Je vous donne un titre, vous me donnez les deux personnages qui vont être en team-up sur le... Ok. Deadpool, Spider-Man. Voilà, exactement. Mais c'est deux personnages qui sont censés avoir un lien et qui sont censés avoir le même nom. Mais en fait, on n'a pas de buzzer, c'est la même identité. Bah, vous hurlez comme des. Laurel et Hardy. Le premier, c'est le plus simple. Si je vous dis The America, la Capitaine et la Gonzesse. Non. Steve Rogers et Sam Wilson, exactement. Avec Nick Spencer et Paul Renaud. Donc pour le premier numéro, ce sera ça. Le deuxième, c'est The Beast. Ça va être le Beast jeune et le Beast. Non, Hulk là qui est fusionné avec Bitmain là. Amadeus Cho et Banner. C'est les Wolverine. C'est les Wolverine, les deux Wolverine. Putain, mais bravo Johnny. Johnny 2, tout le monde, 0. Mais j'y comprends rien. Donc ce sera avec Tom Taylor et Ramon Rosanas. Le deuxième, c'est The Bravest. Ça va être le plus dur à trouver, je pense. Bravest. Madonna. Les Captain Marvel. Ouais, putain, mais t'es fort. Tu l'as vu la news. Il a lu la news. Non, c'est pas ça, c'est de la déduction. Continue. Okay. Déduction, ça sera avec Maggie Stoll et Brett Schoenhaver. Attendez, c'est où je vais chercher le nom? Brett Schoenhaver. Le nom de l'issue, c'est quoi le nom du. The Bravest. Ah oui, d'accord, ok. Le deuxième, c'est le plus simple. The Thunder. Les Thor, oui. Oui, voilà. Mighty Thor et The Unworthy Thor avec Jason Aaron et Mahmud Asrar. Ouh, Jason Aaron et Mahmud Asrar, c'est sympa. The Strongest. Hulk. Ça, c'est Hulk. Voilà. Avec Greg Pak. Elle est sur internet. J'en ai trouvé aucun, non. C'est non. Même moi, pas. Moi, elle s'en fout alors. Alors oui, c'est un peu ça. Allez, les spéciales pour les deux qui n'ont rien dit encore, ça va être très simple. The Archer. Machin là qui est ressemble à un alcoolo dans Avengers. Clint Barton et Kate Bishop. Oui, voilà, lui là. Avec Kelly Thompson. En français, je suis perdu, je croyais que c'est. Non, c'est... Allez, encore plus simple. Iron Man et Iron Heart. Avec Brian Mendis et Marco Rudy. The Marvels. Captain. Il y a Captain Marvel. Il y a là. Captain et Miss. C'est ça. Captain Marvel et Miss Marvel avec J. Willow Wilson et The Spiders. Morales, bah, Spider-Man et Morales. Ouais, voilà, Brian Bendis, Ramon Perez et The Phoenix. Jean Grey, Jean Grey et le Phoenix de Callan Dunn. Donc en fait, j'ai l'impression que ça va être un truc un peu en dehors de l'univers. Non, de... c'est lui. Non, mais dans, ça va être un truc un peu hors continuité avec. Non, c'est dans la continuité. Ah, ils le font exprès en fait. C'est comme ils se sont fait, leurs ventes ont chuté en, il y a eu une chute libre en fait depuis qu'ils ont décidé d'essayer de taper dans le social left, qu'on appelle ça encore, l'extrême gauche. Ouais. Et étant donné qu'ils font plus que ça et de la politique en permanence, leurs ventes ont chuté et du coup ils ont décidé de ramener tous leurs personnages d'origine qu'ils avaient remplacés par des minorités soit raciales, soit sexuelles, soit voilà. Et en fait ils font un gros bouquin pour dire aux anciens fans, on fait revenir tous les personnages que vous aimez et on fera moins de politique à partir de maintenant, s'il vous plaît revenez parce qu'il faut qu'on vende des livres. Et ben ça fait écho à ma deuxième news, merci Juni pour cette super transition. C'est Legacy, la nouvelle ère de Marvel. Donc en fait je pense qu'ils ont regardé ce qui se faisait du côté de la distinguée concurrence avec Rebirth et en fait ils ont annoncé en automne qu'ils allaient sortir un titre qui s'appelait Marvel Legacy, donc avec à la tête une équipe créative assez cool, si je vous dis Jason Aaron et Zabri. Ouais, c'est bien. Ça va. Bien. Ça bah, va. C'est ceux qui ont fait tort du coup. Ouais, voilà. C'était vachement sympa. Donc ça va être un numéro de 50 pages qui, selon le scénariste, parlera du passé, du présent et du futur de Marvel et qui nous plongera dans le passé de Marvel afin d'introduire ce qu'il appelle les Avengers de la préhistoire. Donc en fait, il veut remettre en avant ce que disaient les anciens personnages. Ouais, ils nous font comme Rebirth chez DC, il y a un gros retour en arrière avec les personnages. Ouais. Donc, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une moins bonne idée? Bah, si je vous laisse le temps d'en débattre si vous voulez. Ça dépend de si ça convainc les lecteurs en fait. C'est-à-dire qu'en fait, bon, après DC, je sais pas trop, mais Marvel, ils ont vraiment atteint un stade où ils ont pas juste désintéressé leur public de base, ils l'ont fâché, ils l'ont énervé en fait. C'est-à-dire qu'ils ont atteint un stade où ils produisaient des livres et leur argument de vente c'était le personnage principal est d'une minorité quelconque et on va parler de politique très souvent. Et il y avait une tranche majeure de leur lectorat d'origine qui aimait pas des masses ça parce que c'était pas de l'aventure super héroïque, c'était un peu comme avoir quelqu'un qui vient chez toi et qui t'explique son opinion politique alors que t'as pas nécessairement envie de l'entendre. Et du coup beaucoup de leurs lecteurs sont partis et maintenant il va falloir que Marvel réussisse à les convaincre que la phase où ils produisaient un truc, les fans leur disaient j'aime pas et Marvel leur répondait ben c'est tant pis pour toi, il va falloir maintenant les convaincre que c'est fini et qu'il faut que les fans peuvent revenir vers le Marvel qu'ils connaissent. Thomas, est-ce que ça t'a hypé un peu? Bah moi en fait ce que je pense là-dessus c'est que c'est pas forcément parce qu'on a des nouveaux personnages que les gens ont été déçus, je pense que c'était plutôt parce que c'était des mauvaises histoires. Voilà. Enfin vraiment genre le Captain America Falcon il était nul, enfin j'adore Rick Remender mais là il a vraiment fait de la merde en tout cas. Ensuite mon Thor était pas mal parce que c'est Jason Aaron et Thor, c'était pas, très bien, c'était pas mal en tout cas. Mais après ouais c'est les dernières histoires, le dernier Spider-Man il était nul, enfin c'était Dan Slott, il a fait de la merde en faisant passer pour une sorte de Batman. Puis tout ce que j'ai dernièrement sur Marvel c'est, enfin du coup dernièrement c'est pas pareil aux États-Unis, c'est ce qui s'est passé avant. Mais en tout cas je sais pas, aux origines je m'en fous des origines, je veux juste une bonne histoire. Voilà, c'est exactement c'est ça en fait. Ok, donc un petit coup de com pour pouvoir faire revenir le monde. De toute façon je pense que ils ont essayé d'agrandir leur cercle de lecteurs parce qu'en fait en termes de lecteurs, de lectorat classique tous les mois qui achètent des comics, ça fait 60 ans que c'est les mêmes. Moi je suis assez agréablement surpris de ce qu'ils ont fait. Ils ont tenté des choses alors plus ou moins bourrin. Je trouve les fans assez durs parce que le Thor de Jason Aaron où c'est une femme est très bien, la Miss Marvel, la petite musulmane, c'est très bien, le Captain America de Nick Spencer, pour le coup Sam Wilson, je trouve ça très bien aussi, Miles Morales, le latino de Spider-Man au début par Bendis, c'était quand même cool. Je sais pas trop si les fans l'ont mal pris parce que c'était pas bon ou parce qu'ils avaient pas envie de lire ça, parce qu'un fan de comics au bout d'un moment c'est quand même très beau et ça veut c'est Captain America, c'est Iron Man et compagnie. Ils ont essayé, ils sont vautrés. DC a sorti son Rebirth qui est un retour en arrière classique, ça a très bien marché, c'est pour ça que Marvel vend moins aussi. Donc Marvel fait exactement pareil, c'est un petit peu dommage, ils ont essayé, bon pourquoi pas. Après à mon avis ils vont mettre les gros concepts anciennement à l'avant et puis ils vont peut-être garder les concepts un peu secondaires. DC Comics va faire pareil de toute façon avec son event Dark Matter, ils vont lancer d'autres concepts derrière. Ouais, bah j'en parle juste après, tu voilà, spoil ma news. Ah. Bon. Fate, t'en as pas parlé, est-ce que t'as un petit avis sur ça? Mais tu lis pas trop de Marvel. Bah, donc, en fait, comme je vous disais, c'est que j'ai un peu décroché de Marvel et j'ai envie de m'y remettre. Donc peut-être donc, un moyen de. Peut-être de ça va être un moyen, mais il faut avoir la. Bon, après, c'est pas la première fois, attendre 6 mois à peu près, du coup. Ouais. Oui, bah. Bon, mais si vous avez des titres à me conseiller. Ok. Bah, dans, je trouve que le Marvel Now, par exemple, c'était bien. Enfin, depuis Secret Wars, je trouve que ça c'est complètement parti en couille. Marvel Now, c'était sympa. Je crois qu'ils vont, retcon. Oui, bon, ça va pas exister après Secret Wars. Ouais, non, mais Secret Wars, c'est à partir de là vraiment que je pense que c'est vraiment la merde d'arriver à partir de Secret Wars. Ils ont voulu améliorer les choses et rendre plus cohérent, mais avec Secret Wars, ça a rendu un bordel bien plus monstre que ce l'était déjà avant. Une réalité un peu dure, c'est qu'ils ont perdu un paquet de scénaristes, hein, mine de rien. Ouais, ils sont tous allés chez DC, ouais. Ou ils sont tous partis chez Image aussi. Remender parti, il reste que Aaron et Bendis en gros. Ouais, Aaron et Bendis. Hickman parti, Fraction parti, Slott éventuellement. Mais du coup, ouais, mais Slott a fait de la merde dernièrement, c'est ça le truc. Spencer, bon, il est pas mal aussi. Mais ouais. Non, ils ont encore Charles Soule. Ils ont Charles, mais Charles Soule est partout. Surtout dans Star Wars et Peau d'Amande. En parlant de Star Wars, c'est Faye qui va nous enchaîner. Mais tu veux pas parler de Star Wars, tu vas parler de quoi? Si, alors il va bientôt y avoir un comics Captain Phasma. Okay. Ah ouais. Ouais, ça, et des comics pour les jeunes aussi. Elle essaiera de sortir des chiottes. Qu'elle est tombée. Ah, j'ai vu j'ai vu quelques. Enfin, j'ai regardé les. La célébration Orlando. Moi aussi, j'ai suivi la célébration. Tout le live avec Mark Hamill, tout ça, j'avais trouvé ça bien. Vraiment énorme. C'est mais ce qui m'a fait rire, c'est qu'à un moment, Mark Hamill dit ouais, on dit rien sur moi sur l'épisode, juste pour vendre des comics, comme ça. Et t'as Clayton Kennedy qui est comme ça, ta gueule. Ouais, non, mais elle rigolait un peu. Ouais, c'était en mode humour, mais il a pas tort. Ouais, il a pas tort. Tu veux peut-être une news en dehors du Star Wars. Alors, j'ai des news Marvel sur le Marvel Cinéverse. Alors, on va commencer avec la déclaration du patron qui s'occupe de Marvel Cineverse, monsieur Kevin Feige, merci, qui a dit qu'il voulait faire des films Marvel en gros pour 70 ans. Donc, ah ouais, voilà, ouais. Vous avez le temps. Il a de l'ambition, le monsieur. Voilà, et il a vu les films qui ont été faits par la Fox, donc, à savoir Logan et Deadpool. Ouais. Il a trouvé ça cool parce qu'il tentait autre chose, mais il a dit ah non, nous on fera pas aussi violent. Hein. Voilà les déclarations. Ce qui est compréhensible. C'était passionnant. Et au niveau des news, on a su que Scott Derrickson, donc, qui a réalisé Doctor Strange 1, va faire le 2. James Gunn a annoncé qu'il allait faire Les Gardiens numéro 3, en disant qu'il le faisait parce qu'il avait envie de le faire et que si on l'emmerdait, ben, il partirait. Les retours sur Gardiens de la Galaxie 2 sont vraiment bien. Les retours presse sont vraiment très bons. C'est quand l'avant-première? C'est demain soir. Voilà. Mais il n'y a plus de place. Hein. Quoi? Ah ouais, on a IMAX, c'est mort. J'ai regardé, c'était plein de chez plein. Bon, bref, on continue. Au niveau Marvel, donc là, du côté de la Fox, il y a pas mal de choses. Donc déjà, on a appris que Cable serait joué finalement par Josh Brolin. Donc Josh Brolin qui joue aussi le rôle de Thanos, qui était aussi dans les Goonies, petite parenthèse. Mais c'est Thanos, un peu con, je trouve, d'avoir le mec qui fait Thanos. Non, Thanos, c'était pas dans les Goonies. Ah. Mais si, il est dans les Goonies. Non, mais enfin, je trouve ça un peu con comme choix de casting. Moi, je pense qu'il serait bien. J'aurais vu un quelqu'un qui joue un pruneau. Il joue un pruneau chez Marvel, il joue un borgne chez Deadpool. Moi, j'aurais vu quelqu'un plus physique pour jouer Cable. Après, j'ai vu des comparaisons de dessins qui étaient pas mal, des comparaisons de dessins, enfin ça colle, mais je sais pas, j'aurais pris quelqu'un d'autre. Enfin bref, et sinon, au niveau donc de la Fox, toujours des nouvelles concernant leur prochaine sortie ciné. On sait que l'année 2018, on verra apparaître un film New Mutant, un film Deadpool 2 et un film Dark Phoenix. Voilà. Dark Phoenix. Ouais, ça a été annoncé. Alors moi, saccagé une deuxième fois. Ouais, une troisième fois. Si c'est bien fait. Troisième fois avec Apocalypse déjà. Ah oui. Si c'est bien fait, pourquoi pas. Mais j'ai un peu peur. Ouais, bah nous, moi aussi, ça me fait très peur. Ouais, non, mais non. Ouais, fatigué. Faut arrêter avec le Phoenix chez la Fox. En même temps, dans l'X-Men. Bah non, mais il y a plein de trucs à faire avec l'X-Men. Ils pourraient aller dans l'espace, avoir des races aliens et tout. Ils pourraient aller au centre de la Terre. Ils pourraient aller dans. Il y a une île remplie de dinosaures. Il y a plein de trucs à faire avec l'X-Men. Mais oui, il y a plein d'histoires à faire. Mais c'est la Fox qui a la Terre sauvage. Alors la Terre sauvage en l'occurrence je sais pas, mais je sais qu'ils ont les Shi'ar, et les Shi'ar c'est une race extraterrestre qui pourrait aller dans l'espace. Franchement il y a énormément de trucs à faire avec. Le problème c'est que comme les gars qui décident des scénarios ne lisent pas les comics, donc ils savent pas les trucs bizarres qu'il y a dedans. Enfin c'est le gars qui lit les scénarios, en fait, c'est le même, ils se contentent de refaire toujours la même histoire avec toujours la même équipe et puis En parlant, enfin, moi j'aime bien de base, mais c'est toujours la même chose maintenant. Mais à la base c'était pour parler aux minorités. Puis là ils nous l'auront refait et ça s'arrête jamais. Puis au final ça sert toujours Phoenix au bout d'un moment, et on a même perdu cet angle là à la limite. X-Men 1 et 2 il y avait vraiment cet angle social, autant maintenant aujourd'hui c'est juste on prend les X-Men, on les fait affronter un gros gars, il y a plein d'effets spéciaux et puis on fait exploser. Et puis même le côté justement social et tout, il est mis en toile de fond et ça sert juste à raconter des amourettes, des petites histoires vides, et voilà, enfin Et Magneto et Xavier qui se disputent. Toujours. Voilà, on va toujours revenir un peu sur le comics. Et moi, je vais vous parler de Dark Knight, qui fait Dark Knight Metal, le nouvel event de Snyder et Greg Capullo qui fait des émules. Il a juste lâché une couverture, tout le monde était fou. Alors ouais, que ça ne dit rien, mais tout le monde est fou. Mais c'est Capullo, c'est Capullo. Batman avec des flammes et des haches et tout. Oh, c'est trop bien. Il va y avoir des dinosaures. Ça va être génial. Couverture, il a calmé tout le monde déjà. Ça y est. Donc en fait, c'est Dan Didio qui a annoncé que en plus de la série. Donc de Batman où il aura des haches, des bat-haches, précisons, bat-haches, ouais. Des bat-haches et où il va se battre bat-haches. Contre des dinosaures. En plus de ça, il y aura 5 séries qui vont suivre, qui sont dans le même univers, avec une ligne éditoriale qui s'appellera Dark Matter, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc il va y avoir une série qui s'appelle Sideway par Dan Didio qui met les mains dans le cambouis. Donc pour ceux qui savent pas, Dan Didio c'est le chef éditorial, le chef ici. Il y aura Justin Jordan et ce sera dessiné par quelqu'un que j'aime bien, c'est Kenneth Rocafort. Ça suivra un adolescent qui a le pouvoir de se téléporter. Il y a 2-3 allez voir sur le, ou peut-être on les mettra en lien. Il y a 2-3 images, enfin il y a une image des recherches de personnages pour chaque série et ça donne envie. Il y a sinon un titre qui va s'appeler The Silencer par encore Dan Abnett. Donc Dan Abnett et malheureusement John Romita Jr. Ah, il s'est amélioré un peu. Ah bon, il a changé d'encreur. Qui se focalisera sur une ancienne tueuse à gages qui va devoir sortir de sa retraite pour protéger sa famille. Oh. John Wick. Ouais, voilà, un peu ce délire là. Un autre truc qui va s'appeler Immortal Man, scénarisé par James Tynion IV et Jim Lee. Donc, ça pourrait être pas mal, j'aime beaucoup Jim Lee moi. Qui parlera d'une famille d'immortels qui veut travailler dans l'ombre pour empêcher la fin du monde. Donc, nice. Après, c'est des titres, c'est des pitchs très très vagues, hein, donc on peut pas en dire grand chose. Une autre série qui sera scénarisée par quelqu'un que tu aimes bien, je crois. Je pointe du doigt Mathieu pour les gens qui. N'oubliez pas, qui ne voient pas. Parce que c'est vrai on est en radio, j'avais oublié. Il y a personne derrière. Ah ouais. Donc c'est Damage, ce sera scénarisé par Robert Venditti, donc qui a fait pas mal de Green Lantern. Ouais. Et dessiné par Tony Daniel. Moi j'aime beaucoup Tony Daniel. Quand il est passé un riste. Ah. Oui, c'est vrai, c'est pas lui qui scénarise avec sa femme qui était sur Wonder Woman avant. J'avais lu du Batman de lui qui était pas scandaleux, mais quand il faisait tout en même temps, c'était pas évident. Bah là il est avec Robert Venditti qui ça va, c'est bien, Venditti, c'est solide. Ouais. Donc il suivra les aventures de Ethan Avery, capable de relâcher un monstre pendant un certain laps de temps. Donc voilà, c'est vrai que c'est vague. C'est vague. Et un truc qui est très cool et qui je pense fera peut-être plaisir à Juni, c'est appelé New Challenger. Ce sera scénarisé par Scott Snyder et Andy Kubert. Andy Kubert c'est un dieu. C'est un dieu, exactement. Et c'est le reboot de The Challenger of the Unknown, une équipe créée par Jack Kirby. Comme je sais que tu aimes bien Jack Kirby. C'est pas Jack Kirby qui le fait. Oui, mais c'est du Jack Kirby. C'est approved. C'est j'ai envie de te dire, c'est comme si tu me disais la Fox fait un film X-Men, c'est une équipe de Jack Kirby. On a vu le résultat. Effectivement, j'essaie de te hyper un peu. Non, moi, s'il y a un élément qui me fait plaisir dans cette histoire, c'est que, et c'est un truc que Marvel pourrait prendre un peu de notes, c'est qu'ils ont des personnages originaux et chacun d'entre eux est d'un background plus ou moins différent ou d'origine, qu'on appelle ça encore, croque de peau, etc., différent. Et ils mettent même pas l'accent dessus, c'est juste ça fait partie de la personnalité du personnage, comme ça pourrait être absolument n'importe quoi d'autre, et je trouve ça super. Ouais, c'est cool, c'est vrai que c'est cool. Et donc moi ça me hype bien, déjà que j'avais très envie de lire, bon en même temps je pense que Scott Snyder et Greg Capullo c'est mon équipe créative préférée de tous les temps, je suis hypé. Et il est où Francis Manapoul là? Ah ouais, petite pensée pour Manapoul qui est sur Trinity. Ça va. Ça a l'air cool Trinity en plus, donc pourquoi pas. Est-ce que Dark Matter ça vous hype, Mathieu? Ouais, mais je pense en fait que c'est même le premier crossover de DC que je ferai, parce que je lis Batman et puis comme tu dis, Snyder et Capullo c'est quand même super super bon, et j'aime bien ce qu'ils ont fait éditorialement parlant. DC, on critiquait Marvel un peu parce qu'ils font n'importe quoi, on en a parlé il y a 5 minutes, les mecs ils recentrent leur lectorat sur leur personnage de base, mais ils testent des nouveaux concepts par des équipes en plus qui tiennent la route, ça part moins à la volo que Marvel, et j'aime bien ce qu'ils font. J'ai testé je pense pas mal de titres. Thomas, je voulais ton prénom. Bah Scott Snyder et Greg Capullo, bah, voilà, c'est forcément. Ouais, non mais franchement c'est forcément bien. Tout le run qu'ils ont fait sur Batman, bah c'était bon de A à Z. Ils ont réussi à pas avoir trop de reproches finalement. Pas trop. Oui, y a beaucoup parce que c'est dur de toucher à Batman sans qu'on te fasse trop chier. Et ils ont fait un très bon boulot, donc moi je reste grave confiant. Enfin, ils font forcément du bon boulot ensemble. Johnny, est-ce que ça te hype un peu? Bah, jetterai un coup d'œil surtout au projet. Bon, le coup du Batman qui charcute des dinosaures, parce que voilà. Parce qu'on aime tous les dinosaures. Ouais, parce que j'ai toujours 12 ans et qu'on va pas se mentir, ça sonne métal à mort. et puis surtout pour tout ce qui est original, en fait, tous les nouveaux personnages qu'on a jamais vus avant, j'ai bien envie de jeter un œil pour voir. Et puis je verrai bien s'il y en a qui m'intéressent et me plaisent ou pas, on verra. Faye! Dinosaures. D'accord. Voilà. Tout est dit. Et bah tu parlais, tu pouvais enchaîner avec une. Bah du coup pour aller plus vite, je vais centraliser mes deux petites infos d'ici, comme ça on ira. Vas-y. Alors une nouvelle qui me plaît à moi-même, parce que Dolph Lundgren, cette légende des films d'action des années 80-90, va jouer dans Aquaman. Et ça, ça me donne envie de voir le film, rien que pour ça les enfants. Ça me hype pas trop. Apparemment, il va faire un roi. Apparemment, je ne connais pas bien l'univers. Un roi Nereus, si je pense bien, qui aurait des vues sur la meuf d'Aquaman. Enfin, mais il y a combien, faire un triangle amoureux mais pour un film Aquaman. Mais il y a William Defoe aussi. On m'a parlé de Black Manta, on m'a parlé du frère de Aquaman. Ouais. Et là, il y a un autre méchant, mais il va y avoir combien de méchants dans j'en sais rien, mais moi je m'en fous. J'espère vraiment pas qu'il y aurait autant de méchants. C'est le même à chaque fois. Ouais. Ok. Ouais. Ça me donne envie de revoir Universal Studios. Enfin bref. Et autre news de DC, le grand, le merveilleux, mon maître spirituel Joss Whedon a parlé donc du projet Batgirl. Il a parlé. Oui, il a parlé. C'est magnifique. Et donc il a dit qu'il cherchait une inconnue pour incarner le personnage et qu'il allait s'inspirer en fait de la version des New 52, donc une version très teenager, on va dire. Ah, merde. Et donc il y aura pris en compte le fait que la Batgirl se remet de ce qui s'était passé dans Killing Joke. Ouais. Elle s'en est toujours pas remis. Ouais, non, elle s'en remet pas. Après, a toujours mal. Ouais. Ça fait un moment déjà. Bah ouais, alors après, il dit qu'il est content que le projet est né juste d'une discussion qu'il avait avec quelqu'un de chez Warner. C'est pas genre en gros un truc qu'on lui a imposé. Mais je crois qu'il en a parlé à Marvel. Content. Il a dit, ouais, si. À Marvel, non, à DC. Non, mais au moment où il était encore chez Marvel et qu'il il a prévenu les gens de Marvel en disant, si vous me faites chier, moi j'ai Warner qui me tape du bout du pied pour faire Batgirl, donc. Bah là, apparemment, il avait l'air de dire que c'était pas prévu, que c'est juste qu'il discutait, qu'il a dit, ah bah tiens, moi je pense à ça, Batgirl, nanana. Et c'est lui qui aurait amené l'idée qu'en fait le film Batgirl n'était pas prévu au départ. Ok, voilà. Ah, c'est cool. Ça veut dire qu'il aura a priori les rênes totales, ouais, du perso. C'est ce qu'il et avait l'air de dire. Donc moi je trouve que c'est une bonne nouvelle. Ah bon. Vous avez pas l'air hypé par Batgirl New 52, non? Non. Si, c'est cool, et puis c'est la Warner qui fait le film, alors. Oui. Ouais, moi j'ai confiance en vous. Vous êtes méchant. Je te dirai, dès que j'aurai vu Justice League, je pourrais te dire si je crois encore à la Warner ou pas. Et pour l'instant, là, j'y crois plus trop, quoi. Okay. Moi déjà, Wonder Woman. Ouais. Moi j'ai passé à une autre news. Excusez-moi. Moi je vous parlais qu'en ce moment, il fait pas bon être une série cosmique chez Marvel, puisque tu nous en parlais tout à l'heure de Star-Lord, de Chip Zdarsky et Chris Anka, et Nova de Ramon Perez et de Jeff Loness, que je crois que ça tenait beaucoup à cœur à notre ami Juni, oui, qui aimait beaucoup ce personnage. J'adore les deux Nova, en fait, parce que là, du coup, il y a deux Nova différents. Il y en a un qui existe depuis longtemps, qui s'appelle Richard Rider. Et il y a la mamie Nova. Voilà, je m'en vais. Et il y a un nouveau Nova qui était né pendant Marvel Now, qui est un petit gamin. Il a un truc comme 15 ans. Il est latino, ah. et lui-même était le fils d'un autre Nova. Le Nova, c'est un peu comme les Green Lanterns de Marvel. Et c'est une police galactique, en fait. Et on les voyait dans une version relativement pourrie dans le film des Gardiens de la Galaxie. Et du coup, en fait, les Nova, le premier Nova, Rich Rider, c'est un héros de guerre. Il a été héroïque au possible. Il a fait des trucs de dingue. Et le deuxième Nova, c'était un petit garçon qui commence un genre de Spider-Man de l'espace. Et du coup, ils les ont mis ensemble dans le même bouquin. Et je trouvais assez dommage, finalement, que le bouquin, visiblement, a pas suffisamment vendu. Ouais, il faisait que 13 000 ventes. Selon les estimations de Diamond, donc c'est ce qui veut dire. Ce qui veut dire, quoi. Ouais, moi, j'avais lu celui avec justement écrit par Jeff Webb du nouveau Nova qui était plutôt sympa. Enfin, ouais. C'est vraiment une lecture un peu pour adolescent. Ouais. Ouais. Ouais, mais ouais, c'est du fun pur, c'est pas complexe ni quoi que ce soit. C'est vraiment juste pour t'amuser, en fait. Et c'est super, hein, mais forcément, c'est genre le Spider-Man adolescent. Voilà, mais ça a pas forcément de beaucoup de fans, on va dire. Mais les fans qui aiment ça sont très, comment dire, Ils aiment beaucoup, beaucoup le personnage. Et bah malheureusement, bah, ils ont annulé les ventes parce qu'elles faisaient vraiment pas assez. J'ai lu sur l'article où j'ai vu cette news, il y avait un commentaire qui disait que apparemment chez Marvel, il faut faire plus de 20 000 ventes, sinon bah, tu te fais annuler ta série. Et bah malheureusement, Star-Lord, ça faisait que 13 000 ventes et Nova faisait que 15 000, donc voilà. Star-Lord, ça a pas marché. Star-Lord, ça marche pas, non. Ça m'étonne pas des masses. Ils ont décidé de le mettre sur la Terre et ils ont filé le titre de Star-Lord à sa meuf. Oui, avec Kitty. Voilà. Ouais. Et du coup, si tu prends Star-Lord et que tu le mets sur la Terre sans les autres gardiens de la galaxie, ça sert à rien. Ouais. Bah en fait, c'est comme Friends, quoi. Tu sépares un des Friends, bah, ça sert à rien. Voilà. Quoi. C'est la petite référence. Bah, je suis désolé, mais c'est vrai. Quoi. Non, mais c'est ça. C'est genre, tu prends un des mecs de Friends et tu le mets dans la forêt vierge sans aucun de ses amis, avec un niveau de technologie limité à des cailloux et c'est ça. Hein. Ok, bon, bah voilà. Je trouvais ça dommage de séries qui avaient l'air sympathiques. J'espère que Panini les sortira en petit format et on pourra lire ça. Peut-être en kiosque. Il y a le temps qui passe là. Effectivement, tu vas finir très, sur très tes news. Vite. Ouais, très très vite. Juste des petites news séries. Déjà une très très bonne nouvelle pour les fans du comics Lock and Key qu'on aime beaucoup, oui, avec James. Oui. Moi, je vous en avais parlé pendant Halloween, voilà, avec Thomas d'ailleurs. Mm-hmm. Ouais. Et bien, ça va être adapté en série. Enfin, pour l'instant, un pilote a été commandé par la plateforme de streaming Hulu, qui serait donc produit par Cartoon Cues, donc Lost. Voilà. Bon, bref, hein. On peut pas dire ça autrement, et qui serait réalisé, le pilote, par le fameux Scott Derrickson, encore lui, qui a fait Doctor Strange. Voilà, on en a parlé tout à l'heure. Alors, oui. Bon, faut voir, il y avait déjà eu une tentative de série télé il y a un moment, je sais plus quelle année. Et le pilote, avait circulé sur internet et je l'avais vu. Voilà, c'était, enfin, ça rendait pas totalement justice. C'était pas non plus super nul, mais ça rendait pas justice à. Pourtant, la série vaut le coup, franchement. Je pense que ce serait très très bien. En série télé, ouais, ce serait, ouais, ça, ouais. Vraiment cool. Et ensuite, il y a deux trailers qui sont sortis que je vous mettrai dans l'article du podcast. Ouais. Un trailer pour la série de sci-fi Krypton, donc qui sera en fait consacré aux ancêtres de notre ami Superman. Ouais. On verra en gros comment la planète, eh ben, elle était cool et elle ça est devenue du gros caca. Avec, avec le MCU. Ah mais non. Non, parce que bah comme non, c'est produit par sci-fi, non. Voilà. Alors le trailer est assez, voilà, je suis assez partagé. Je sais pas trop quoi en penser. C'est du CW avec une lavette de meilleures images. Ouais. Et on s'en fout pas un peu des kryptoniens. Ouais, grave. Voilà, je vois pas. À la limite, si ça truc. Avait été sur le père de Clark, ouais, ça aurait été cool parce que c'était son père. Et non, il c'est y a son arrière-grand-père, non, en fait. Ouais, non, là, c'est ce que je dis. Ouais. Si ça avait été sur son père, ça aurait été bien parce que c'était un scientifique qui essayait de convaincre sa population que la planète partait en live. Et qu'est-ce qui se passe? Ça serait. Ouais, il y a un petit bug, non, du son. Bon, c'est pas grave. Non, c'est revenu. Donc, bon. Ouais, c'est ça. Ouais, donc si ça avait été sur son père, le scientifique qui essaye de convaincre sa société que la planète va exploser, ça aurait été sympa. Là, en l'occurrence, c'est que des personnages dont techniquement on se fout. Après, ils peuvent rendre ça intéressant, mais là, tel que c'est parti, je sais pas. Mais j'ai l'impression qu'ils font ça pour faire traîner leur série en longueur et ça va peut-être pas dépasser une saison. Ok, passons. Et juste le dernier trailer qui a été diffusé, c'est celui pour la série de la chaîne Freeform, Cloak and Dagger. Ouais, voilà, Cloak and Dagger. Voilà, et là, c'est très, très Freeform, c'est très Pretty Little Liars. Très série CW, donc le truc romantique, voilà. Les personnages de chez Marvel, les images avec un. Parce qu'au final, on les voit pas du tout avec des pouvoirs, mais on les voit juste à la fin avec leurs pouvoirs. Et je trouvais que c'était assez ridicule, personnellement. Ouais. Enfin, bah écoutez, moi, ce que je vous propose, les amis, c'est de mettre le trailer. Et je vous invite à nous laisser en commentaire vos avis sur le trailer. Envie de le voir, pas envie de le voir. On va pas faire les sorties de la semaine, on a peut-être pas le temps. Oui, bah, de toute façon, j'en avais que deux. Si on veut pouvoir parler correctement du. Ouais, ouais. De toute façon, il y avait rien de bien intéressant. On va passer à la pause musicale et c'est Thomas qui l'a choisi, c'est du Led Zeppelin. Ouais. Et je sais plus c'est quoi le morceau. What is and what is done. Ouais, voilà. Ça veut dire pas le marquer un jour. Oui, oui, à chaque début, je me dis je vais marquer les trucs et comme je les ai pas, c'est pas grave. Ouais. Regarde, moi j'avais fait des fiches dans. Effectivement. Bon, on va passer au morceau. My hand, child, come with me to a castle. I will take you. But what's to be, they say. Say to me tomorrow, what fun it all would be. The what's to stop us, pretty baby? But what is them, what should never be? C'était Led Zeppelin et Docteur Manhattan. Voici what is done. Et c'était voilà, la danse des canards par Led Zeppelin. Vous êtes toujours sur Radio Campus Montpellier sur le 102.2 FM et sur internet pour les gens qui nous écouteraient sur internet sur le comicsdiscovery.fr ou sur Radio Campus Montpellier.fr. Pourquoi tu le dis s'ils sont là, c'est qu'ils le savent. Mais on ne sait jamais parce que peut-être que les gens qui nous écoutent en podcast ne savent pas qu'on peut nous écouter en direct. Donc je le rappelle. Ils peuvent deviner, on n'est pas BFM TV, on n'a pas parlé de Macron. On a fait le point pendant la pause musicale. Mais connaissez-vous le comics Macron? Non, on va vous parler d'une autre dystopie, d'un autre monde apocalyptique. Je ne sais pas si c'est aussi apocalyptique que la France dans deux semaines. Donc c'est Tokyo Ghost de Rick Remender et de Sean Murphy. Je ne sais pas pourquoi je le dis comme ça. Sean Murphy. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut pitcher le... Moi on avait dit... vas-y, pitch. C'est Thomas qui fait le scénario, normalement. Moi, j'ai rien préparé. Ah, moi, ça me va bien. Hein. Donc, je peux juste dire le pitch, et après chacun dit son avis sur le... Vas-y, pitch-nous tout ça. Pitcher en 2-2. Puis nous dire qui est Rick Remender et qui est le grand, le magnifique, Rick le beau... Rick Remender a fait quelque chose de génial, la plus grande œuvre de comics de tous les temps, même plus que Watchmen, c'est-à-dire Deadly Class. Donc, tu veux nous parler peut-être en coup de cœur, je crois. toujours. Et au scénario, enfin, bon, il a pas travaillé que sur ça. Il a bien sûr travaillé chez Marvel. Il est pas mal connu chez Marvel pour avoir travaillé sur Captain America, X-Force. Il a aussi fait un event qui était pas foufou, mais ça va. Axis, là où les méchants deviennent gentils. Et inversement. C'est très clair. Ouais. Ça va, c'était pas mal, c'était rigolo. J'ai des résumés bizarres sur la Black Science. Black Science, ouais, justement, en indé. Mais enfin, moi, je trouve que, enfin, Rick Remender est très très fort en indé, ici, en tout cas. Ouais, Fear Agent, Low. Il y a pas mal de machins très intéressants chez Remender. Ouais. Sauf d'évolution, là, lisez pas, c'est de la merde. Bon, donc, livre. Pitch. Et du coup, on se retrouve dans un futur pas vraiment apocalyptique, c'est assez spécial, c'est-à-dire que notre technologie a grandement avancé, mais est devenue une sorte de drogue dont les gens sont complètement dépendants. Du coup, Rick Remender, il en profite pour faire une sorte de critique un peu... Faye, Faye est sur son téléphone, donc elle est dépendante à la technologie. Ça y est, c'est demain. Du coup, il en profite un peu pour critiquer un peu tous ces trucs, les médias, et aussi Rick Remender adore ces thèmes, critiquer les médias et ce genre de nouvelles technologies qui nous empoisonnent un peu. Et donc, ah, c'est vrai, c'est de la saloperie. Hein. Retrouvez-nous sur Twitter, sur Instagram. Et donc, du coup, tout le monde est accro à cette technologie. Et dans ce futur un peu spécial, on va retrouver le personnage. J'ai pas les noms du coup. Len Dent. Et l'autre, je sais plus. Debbie. Et donc, du coup, Len Dent, il travaille pour l'entreprise qui gère un peu tout ça. En gros, c'est comme si que Apple, il dirigeait le monde entier. Et comme Macron qui va faire de la France une start-up. Bon, j'arrête. Et du coup, tout simplement, sa copine Debbie, elle, c'est une zéro tech. Ça veut dire qu'elle a aucune technologie sur elle. Et elle est pas dépendante de la technologie, alors que son gars, lui, c'est un dopé à la technologie. Et elle veut le faire sortir de tout ça, et elle va en profiter d'une mission où ils vont aller à Tokyo. Et à Tokyo, c'est l'une des rares villes zéro tech où il y a du coup zéro technologie et personne n'est dépendant à ça. Et du coup, on va voir comment ça va se dérouler au fur et à mesure. Et est-ce qu'ils vont retrouver ou pas leur humanité, parce que après tout, Led Dent a perdu son humanité dans cette technologie et cette drogue. Et à Tokyo, je crois, c'est intéresse vachement. Ils sont où, à Los Angeles? Ouais, ils sont à Los Angeles, et le gars qui dirige Los Angeles, c'est un espèce d'égocentrique insupportable qui dirige toute la ville et toutes les compagnies. Il dirige Internet, et étant donné que tout le monde est branché à Internet en permanence et à des genres d'hologrammes qui leur diffusent des émissions débiles toute la journée, et du porno, il contrôle aussi tout le monde. Ouais, voilà, il y a beaucoup. J'ai trouvé l'utilisation du porno vachement sympa. Non, mais c'est drôle parce que justement, c'est bien construit. Ouais. C'est un écho à peine. Moi, j'ai pas trouvé ça sympa du tout. Je trouve ça inutile et complètement con. Moi, ça m'a sorti du truc. Non, mais c'est le sous-texte en fait. Qui rend ça bien, et justement tout le traitement de ce perso et de comment il gère la ville, comment les gens se comportent avec lui. Et il y a aussi tout un, en fait, l'intérêt qu'il a pour Tokyo, c'est qu'étant donné que Tokyo a absolument aucune technologie, il n'y a pas de pollution, et il veut en gros se déplacer jusque là-bas et vivre là-bas et laisser tout le reste de la populace à Los Angeles polluée et dégueulasse. Ouais, laisser l'élite riche. Et justement, dans son intérêt, en fait, il y avait toute une réflexion sur l'utilisation de la culture, en fait. C'est-à-dire que Tokyo, c'est au Japon, donc il y a toute la culture autour, il y a les Japonais qui avec leur système à eux. Et lui, il a toute une vision d'un Tokyo où il a récupéré en fait la vision de base de l'occidental, de l'image qu'il a de Tokyo, donc c'est-à-dire Godzilla et des octopus géants avec des pénis à la place des tentacules, des trucs comme ça. J'ai trouvé ça vachement sympa la manière dont en fait il utilise aussi bien tout l'impact technologique que les machines ont sur nous, mais aussi bien l'impact culturel, en fait, de comment on récupère les cultures des autres et comment on les réutilise ensuite, et comment les sociétés et les gens en général ont tendance à récupérer un peu le patrimoine, on va dire, d'autrui, et sans généralement savoir ce que c'est et à quoi ça correspond. Je trouve ça vachement bien. Tu veux parler de... Ouais, moi, ce que j'ai aimé dans l'univers et justement l'utilisation de la technologie, c'est qu'au final, on dit souvent que genre des êtres évolués, qui ont beaucoup de technologie, comme un truc comme ça, ils sont censés être plus calmes, plus intelligents, plus autres. Et au final, ça rend l'humain encore plus bestial que s'il n'avait pas la technologie. On le voit, on a les instincts primaires qui sont exacerbés. Donc le sexe, la violence et autres. Et ça, je trouvais que c'était intéressant, que l'univers, il est quand même super riche. Après, par contre, là où je suis partagée, c'est les deux héros, les deux persos. En fait, j'ai pas réussi à m'accrocher à eux. Et je trouvais que l'histoire, il y avait des longueurs et ça m'a pas... Enfin, leur histoire, ça m'a pas plus passionné que ça. C'est plus l'univers autour que j'ai aimé, quoi. Et par contre, encore une fois, je m'en fiche, ça me fait passer pour une coincée. Mais moi, le côté sexuel... placé qui sert à rien, bah je vois pas l'intérêt. Genre le mec, pour qu'il redevienne normal, faut qu'il nique, quoi. Enfin, ah, c'est un acte. Ils font ça toutes les 5 minutes, quoi. Enfin, c'est ouais, non, mais là, il y avait une raison en plus, elle l'explique, c'est qu'il a un problème avec l'intimité. Justement, parce qu'il est tellement connecté à son truc, le contact physique et intime avec un autre être humain, en particulier sa copine, il a du mal. Du coup, elle lui saute pas dessus, juste pour s'envoyer en l'air, elle lui saute dessus parce que si elle fait pas ça, il se déconnecte pas, en fait. Ouais, mais il y a peut-être d'autres moyens, enfin. Bah, justement, il y a que celui-là, c'est ce qu'elle dit. Après, bah, je sais pas, ça m'a fait sortir le truc. Après, c'est pareil, le mec de la ville, à un moment, il y a une scène qui m'a un peu. Oui, un y a peu un journaliste. Qui est complètement gratuite, et voilà, enfin voilà, moi c'est pas trop mon style. Ça c'est un petit clin d'œil, la scène avec le journaliste, à mon avis, tous les médias de base qui effectivement ont tendance à être très très gentils avec les hommes puissants. Ouais, bah c'était un peu le message, c'était un peu too much, je suis d'accord, oui, mais oui. Ça m'a pas dérangé plus que ça. Justement, en fait, il va pas subtilement recriminer dans cette histoire, c'est vraiment il te met tout avec un putain de bain de sang, quoi, c'est dit clairement, et il expose ce qu'il penserait directement, quoi. C'est, ça va pas par un petit fil rouge où on voit que c'est corrompu, non, on sait que c'est corrompu, ça se voit complètement. Et c'est mis clairement, en fait. Ouais, moi j'aime bien ce franc-parler, justement, ça dénonce tout, mais d'un coup, quoi, avec un grand bain de sang. En tout cas, ce qui est le plus important, je pense, c'est vraiment l'univers construit, que plus l'histoire des deux personnages. Moi je trouve qu'il y avait plein de bonnes idées, mais qu'au final, ils les utilisaient pas. Je t'en sais, tu l'as pas fini. Sur le tome 1, j'ai trouvé que l'univers était assez vide au final, qu'il y avait plein de bonnes idées, mais qui n'étaient pas super bien utilisées. Et sur le tome 1 spécifiquement, il y a vraiment un coup... c'est seul que t'as lu. Oui. Allez. Bon, ça va, je suis pas seul du coup. Moi j'ai fait des news. Est-ce que t'as préparé des news? Non. Faudrait que t'ailles jusqu'à la fin, effectivement. Ouais. Cela dit, ça développe pas de manière ultra complexe non plus. C'est-à-dire qu'une fois que t'as fini l'histoire, normalement t'as eu suffisamment pour comprendre l'univers et les messages qu'il voulait faire passer. Mais je pense que ce serait le type d'univers où ça pourrait être une série dans cet univers, mais tu pourrais en avoir d'autres pour te montrer d'autres aspects. Un univers partagé. Ouais, et ça pourrait. Bon, je dis ça comme ça parce que c'est pas comme si j'en voulais une, mais il pourrait tout à fait faire une autre série dans le même univers sur d'autres personnages qui abordent un autre aspect. De, par exemple, parler de qui fait toutes les émissions de télé, parce que je me suis posé la question, genre, qui réfléchit à ces scénarios de trucs absolument hideux avec des concepts dégueulasses du genre. Pisser dans la bouche des gens pour le divertissement d'autrui, enfin c'est ça. C'est pour ça que je disais que finalement c'est l'univers qui est plus important que les personnages qu'on suit. Alors moi, en fait, pour le premier au personnage, je suis assez d'accord avec Faye. Au début, ce fameux couple dysfonctionnel qui sont amoureux depuis tout petit, qui ont quasiment que l'un pour l'autre, encore une fois dans ce monde relativement horrible de paradis artificiel, il m'a pas branché pendant les trois quarts du bouquin. Et je sais pas trop pourquoi, il y a une scène à la fin, je vais pas spoiler parce que du coup personne l'a forcément lu. Émotionnellement parlant, du coup ça a marché. Mais d'un coup, effectivement, j'ai vu la puissance de l'amour quasiment pur et très organique de ces deux pauvres êtres totalement dépassés, totalement perdus. C'est-à-dire, c'est pas des héros, c'est juste une pauvre fille. C'est un peu un Roméo et Juliette, c'est-à-dire un qui est dans le monde de la technologie, l'autre qui est en dehors. Oui, voilà, ça fait. Et là, pour le coup, ça a fonctionné, c'est pas forcément le cas. Il est parti dans une direction à laquelle je m'attendais pas nécessairement, parce que généralement, on s'attend à un schéma relativement classique pour des personnages comme ça, face à l'adversité. Ouais. Et là, il est parti dans une direction que j'ai trouvé vachement sympa. Ouais, c'était assez surprenant. Et là, pour le coup, à la fin, j'ai eu un impact émotionnel. Oh, je me suis dit, la fin, ça s'est un peu arrangé, quoi. On n'a pas encore parlé de la qualité principale de ce type. T'aurais vu mes réactions. J'étais fou. C'est extraordinaire. Sean Murphy, ce dessinateur, il est génial. Ah, je te coupe juste 30 secondes. Une petite news. Il va être cette année. Il est présent. Enfin, à l'automne. J'ai plus les dates exactes, mais il va être à la prochaine Comic Con de Paris et en Belgique. Et moi, j'ai très envie. J'ai pas aimé la Comic Con, mais je vais y aller. Du coup, mais pour avoir un print, j'ai envie d'y aller. Non, moi je vais le kidnapper, je vais le ramener chez moi. Dessine-moi, exactement. Tokyo Ghost, la suite. Oui, donc, et en fait, le talent de ce gars, bon, son dessin est très vif, très animal, en fait, finalement. Il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de traits au pinceau qui partent dans tous les sens. Et c'est surtout dans ses compositions, en fait, qui m'impressionnent le plus. Et il arrive à. Tout l'univers, en fait, tient essentiellement au visuel. C'est-à-dire qu'il faut regarder les personnages, les tronches qu'ils ont, quel genre d'émission ils ont devant leurs yeux, etc. Parce qu'il y a énormément de détails, et c'est un truc que j'aime beaucoup parce que c'est un médium visuel, et pouvoir voir justement autant de détails dans les personnages, dans leur position, dans les décors, parce que les bâtiments et leurs tronches donnent beaucoup d'informations sur l'état de l'univers. Et du coup, il y a un vrai gros boulot dessus, ça plus le découpage et les cadrages, etc. Parce qu'il a vraiment un dynamisme. Il y a des cases où je regardais comment il avait cadré et je me disais, comment tu fais pour trouver un truc comme ça? C'est-à-dire, en fait, à moins d'avoir fait ça en vrai, c'est-à-dire tu vas grimper sur un arbre, tu te mets tête en bas, tu te mets à 45 degrés par rapport au sol et tu places ta caméra à 45 degrés par rapport à toi-même pour avoir un cadrage pareil, c'était vraiment recherché, je suis vraiment extrêmement impressionné. Puis il y a de la profondeur dans les dessins, j'ai vraiment l'impression que des fois ça allait jaillir, tu vois, enfin, comme un effet de 3D en fait, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, et encore plus sur la version en noir et blanc, je trouve qu'on voit encore plus les détails, la vitesse. Ouais, c'est l'éternel débat de la différence entre le noir et blanc et la couleur. Par exemple, la version noir et blanc, je la veux. Ah, mais elle est dispo en deux versions. Moi, je sais que pour le premier tome, j'ai la version noir et blanc, et là, pour le coup, j'ai lu la suite en couleur, et c'était moins bien. Je l'achèterai en noir et blanc, moi. Thomas, tu voulais dire un truc. Moi, je voulais dire que je suis complètement d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais un truc super important aussi, c'est que je trouve qu'il rajoute quelque chose au scénario par rapport à tout le décor qu'il met derrière. Par exemple, quand on est dans la ville, et bah, y a tout un décor qui raconte tellement de choses derrière. Et si vous regardez en arrière-plan, il se passe plein de trucs. Il y a tellement de choses à voir. Mmh. C'est rempli de détails et c'est inspiré de tellement de choses différentes parce que l'univers sort post-apocalyptique, j'ai jamais vu ça autre part. Enfin, c'est un futur qui est assez spécial et il fallait l'imaginer comme ça. Et en plus, quand il arrive, moi j'ai lu que le tome 1 du coup, quand ils arrivent à Tokyo, mais c'est magnifique toute l'inspiration qu'il a pour faire ses décors, c'est incroyable. Il est arrivé, je trouve, effectivement, à très bien dépeindre ce monde artificiel totalement construit de bâtiments. Mmh. Et effectivement, je rejoins ce que vous dites, Remender n'a même pas besoin de présenter son monde. Ouais. Il n'y a pas de texte pendant 2 heures pour t'expliquer que tu es en 2088 et qu'il s'est passé blablabla. Ouais. C'est pas la peine, les dessins de Murphy suffisent. Et à côté de ça, quand tu arrives à Tokyo, où c'est le total inverse, avec zéro tech, des cascades, des animaux, putain, son style, il passe super bien aussi. Il passe sur tout, aussi, quoi. Ouais. Alors, c'est le même style, mais dans deux mondes totalement différents. Et ça marche, mais c'est le paradis. Vraiment, quand t'arrives à Tokyo, c'est vachement anxiogène le début, c'est vachement agressif. T'arrives à Tokyo, t'y es pas, c'est un bouquin. C'est mais zen, tu fais, quoi. Alors, pour les gens qui ne sauraient pas qui est Sean Murphy, c'est un dessinateur américain qui a fait du créateur chez Image avec Punk Rock Jesus. Si vous n'avez pas lu Punk Rock Jesus, franchement, c'est un de mes comics préférés. Est-ce que j'ai commencé Punk Rock Jesus, mais le premier bouquin que j'ai lu de lui, c'était The Barbarian. C'était sur un gamin qui a des crises de pas d'épilepsie, je sais plus très bien ce que c'était. En gros, il a un manque de sucre. Il a un manque de sucre, il a un malaise, et son malaise se traduit par. En fait, il fait tout un voyage dans sa maison jusqu'à son shot d'insuline. Et dans son malaise, en fait, il est balancé dans un univers parallèle où il rencontre des gens qui vivent dans les égouts. Et il a des animaux géants et un rat chevalier qui protège. Et le scénario, c'était pas le meilleur truc que j'ai lu de ma vie, mais c'était très sympa. C'était surtout pour le dessin, en fait, et surtout le concept du gamin qui, dans sa maison, et ses jouets deviennent vivants et deviennent des combattants qui l'aident à accomplir sa quête. Enfin, c'était super. Mais dit comme ça, ça a l'air cool, mais moi, quand je l'ai lu, finalement, j'étais déçu, en fait. Mais ça s'appelle Jeu l'aventure intérieure en français. Bah, je veux dire, moi, j'avais beaucoup aimé The Wreck parce que je trouvais qu'il gérait super bien l'atmosphère. C'est une histoire de science-fiction. Qui a une première partie qui est très inquiétante, qui est dans un espace huis clos, et je trouvais que la façon dont il dessinait, les couleurs, enfin tout ça, ça mettait vraiment une belle ambiance. Et pour rebondir sur le titre, quand j'ai vu les dessins, ça, vous parliez des détails dans le fond et tout, moi ça m'a fait penser un peu à ce qu'a fait Guillermo del Toro sur Pacific Rim, à savoir que il présente pas tout l'univers, mais dans le fond on arrive à voir des choses un peu plus, des religions, enfin des choses comme ça. Et je trouve que c'est cool d'avoir des gens justement qui arrivent à dire beaucoup de choses par le visuel. Bon, en tout cas, je pense que vous l'aurez compris, même si certains de nous n'ont pas trop aimé le scénar, on vous conseille quand même Tokyo Ghost. Ouais, parce que Sean Murphy, que c'est juste. C'est l'un de ses plus beaux travails, je pense, avec Punk Rock Jesus. L'un des plus aboutis. Hein. Bah, tu vois, j'ai préféré plus au niveau du dessin, quand même, celui-là, Is Awake, que Punk Rock Jesus. Ouais, parce que j'avais pas trop accroché au dessin. Tokyo Ghost, il a tellement de possibilités, il peut faire ce qu'il veut. Il y a des motos. Ah, il y a des motos. Il y a toujours des motos. Et des voitures il va bientôt faire un Batman et moi j'ai vraiment hâte de lire son Batman. Ah ouais, il va faire un Batman et ça a l'air très ouais, cool. C'est méga. Il aura une moto. Il aura sûrement une moto. Ça s'appelait Batman moto. On fait les coups de cœur aujourd'hui ou pas? On va faire les coups de cœur. On a 10 minutes encore. Qui a un coup de cœur moi autour de la table? Johnny, vas-y. J'en ai un énorme. Il y a en plus, il sort bientôt là en France, Get Out. Et comment vous expliquer? En fait, y a deux formes de racisme, on va dire, dans le monde, si je dois vraiment simplifier. Et il y a le racisme ouvert, où les gens vont te traiter de tous les noms possibles et imaginables. Et il y en a un autre qui est beaucoup plus vicieux en un sens, c'est-à-dire les gens qui sont essentiellement des libéraux, de gauche, etc., qui ont tendance à être très sympathiques, mais ils sont tellement nourris aux stéréotypes ou alors au fétichisme des cultures et des couleurs de peau qu'ils connaissent pas, qu'ils ont tendance à sortir des trucs assez affreux. Et en fait, le concept de Get Out, c'est un film américain sur un jeune noir qui doit avoir la vingtaine, qui part dans un, qui accompagne sa copine pour aller rencontrer les parents de la copine qui est blanche. Et il arrive en fait dans la maison des parents qui sont, comme ils disent eux-mêmes, j'aurais voté pour Obama une troisième fois si j'avais pu. Et quand il arrive à la maison, il l'appelle My Man et des trucs de ce style. Le genre de truc que les, quand les blancs te les sortent, tu sens qu'ils sont pas tout à fait à l'aise en fait, ou alors ils te traitent d'une manière très très étrange en fait, justement parce que t'es noir ou jaune ou va savoir quoi d'autre. Et en fait, le truc, c'est que ça part en film d'horreur très rapidement. Et je vais essayer de pas spoiler, mais en fait, la grosse force, c'est qu'au-delà du fait que le film est très bien joué, très bien réalisé et extrêmement bien foutu, il y a une intelligence en fait dans le traitement du sujet, du sous-texte en fait, c'est-à-dire le racisme et le rapport entre les gens. J'avais très peur que le film parte dans le sujet très simpliste, dire ouais, tous les blancs sont des méchants, machin. Et en fait, ils l'ont fait de manière très intelligente et j'ai trouvé ça extrêmement impressionnant. Et du coup, je veux absolument que tous les gens de la ville entière aillent le voir parce que ça mérite qu'on paye pour le... Oui, c'est l'acteur qui est dans l'épisode 2 de la saison 1 de Black Mirror. Ouais, c'est lui. Parce ouais. que j'avais trop kiffé cet acteur et genre, je l'avais jamais vu autre part. Et ouais, je trouvais il est génial. Il joue super bien son rôle dedans et toute l'ambiance dedans est flippée. Okay, t'as eu la chance de le voir en avant-première grâce à ton oncle d'un miracle. Non, mais justement, j'y vais. Je l'ai vu par des moyens plus ou moins détournés, vous voyez, mais je vais y retourner au ciné parce que justement, okay. Je veux profiter un peu de... Ouais, moi aussi, le film... Regardez la bande-annonce, elle donne très très très envie. Chris Pratt le recommande d'ailleurs. Ah, si Chris Pratt le recommande, ouais, faut y aller. Voilà. Ouais, tu as tout dit. Un peu dans la veine de Atlanta, mais cette fois ça fait peur. moi j'avais un petit coup de cœur, à moins que quelqu'un faille. Moi j'ai un coup de cœur, mais c'est pas forcément très récent. C'est enfin, Dédiclas Tom. Ça oui, bien sûr. Mais sur Netflix, je suis tombé sur Imperium. Je savais pas qu'il était là parce que je pensais qu'il allait sortir au cinéma, mais finalement non, il est sorti directement en DVD. Imperium, le film avec Daniel Radcliffe qui doit, en gros, je l'ai vu, oui. Et franchement, il est génial. Ouais, si vous avez Netflix, faut vraiment le voir. C'est parce que justement, tu m'as fait penser à ça, à toutes ces histoires sur les minorités et autres. Et en gros, là, on se retrouve avec Daniel Radcliffe, enfin il fait partie de une brigade de police, ouais, le FBI, et en gros il doit s'incruster dans un groupe de skinhead, et les thématiques abordées sont vraiment très bien abordées. Ça m'a pas mal rappelé American History finalement. Ouais. C'est vraiment très très bien fait. Après j'étais un peu vite fait déçu par la fin, mais Daniel Radcliffe c'est vraiment un putain d'acteur. Après tous les films que j'ai regardé sur lui, parce que j'ai regardé même Swiss Man Army, du coup Swiss Army Man, c'était tellement drôle. Non mais franchement, si vous voulez voir Daniel Radcliffe dans un autre rôle complètement différent, c'est vraiment ouf. Bah, je conseillerais aussi, si vous l'avez pas vu, la série télé A Young Doctor Notebook. Ouais. Où c'est pas très long, t'as 7 ou 8 épisodes de 20 minutes. Il joue un médecin russe pendant la Première Guerre mondiale qui se fait muter en pleine campagne. Il finit totalement dépressif. Il a son futur lui qui le hante comme ça. Et c'est marrant parce que c'est très british comme approche, alors que t'es en Russie. Hein, c'est pas vraiment l'endroit. Il est adéquat. C'est super drôle alors que c'est sale. C'est ça, c'est dégueulasse, c'est cradingue. Mais ils ont une mouille tous quand. Très très anglaise. Franchement, on pourrait faire une émission de Daniel Radcliffe. Mais c'est pas très comics par contre. Moi j'ai vu La Dame en Noir où il a joué dedans, produit par la Hammer. Il est bien, ouais, il est bien. Une histoire de fantôme classique sympa. Horns est marrant aussi. Mais en tout cas, j'avais trouvé ce film vachement sympa parce que. J'ai pas le droit de voir. Oui, tu n'as pas le droit de voir Horns. Moi j'avais un coup de cœur. Enfin, je plus soit ton coup de cœur, il est vraiment cool. Bon, c'est moins bien qu'American History parce que. Je trouvais que tu vois, genre, le fait qu'on essaie un peu comme American History, comprendre leur mentalité. Ouais. C'est ça que je trouvais ça intéressant, de voir comment tu peux en arriver là et oui, aussi comment tu peux en sortir. Tu commences, oui, c'est ouais, la compréhension de l'autre, c'est un truc important. Je verrais bien avec un skinhead à côté de moi pour m'expliquer. Parce que regardez Get Out avec ma copine, c'était ça justement. Deux fois je posais parce que je me rendais compte à quel point l'intelligence du truc était forte. C'est que le personnage, il lui arrivait des trucs, il m'était arrivé pareil et je trouvais ça flippant. C'était comme observer ma vie. Du coup, j'aimerais bien mater Imperium avec un skinhead pour qu'il me dise oui, effectivement, c'est comme ça ou non du tout. Non, mais il n'y a pas de justification. modifications être skinhead, mais tu peux comprendre leur mentalité, enfin comment ça arrive à là, tu vois. Ouais. Je trouve ça intéressant. Bah, c'est comme ça sont écrits les meilleurs méchants. Oui, c'est les méchants que tu peux comprendre. Mais d'ailleurs, sur Netflix, ils ont rajouté le film Hooligan avec Elijah Wood qui est un peu. Ouais, il est pas mal. Du coup, c'est, pour, c'est l'opposé. J'avoue. Du coup, moi, je voulais vous parler d'un podcast que j'ai découvert il y a même pas 2-3 jours. Ça s'appelle Serial. Bon, c'est un podcast américain, donc c'est tout en anglais et impossible de trouver des versions sous-titrées. Si vous avez beaucoup aimé la génialissime série de documentaires sur Netflix, c'est Making a Murderer, donc qui est sur quelqu'un qui se retrouve en prison malheureusement pour un crime qu'il n'a pas commis. Serial, c'est la même chose en fait. Vous allez suivre une journaliste qui s'appelle Sarah Koenig, à qui quelqu'un l'a dit, faut que tu t'intéresses à cette histoire. C'est un mec qu'on accuse d'avoir tué quelqu'un et qui finalement est en prison alors qu'il l'a pas fait. Donc elle va s'intéresser à l'histoire et en fait vous allez suivre les podcasts où elle vous raconte comment elle va déconstruire toute l'enquête et j'ai pas fini le podcast encore, donc je sais pas s'il est libéré ou pas, mais il y a beaucoup, il y a plein de trucs, des détails dans l'enquête, genre à un moment il y a tout un truc dans le témoignage par rapport à une cabine de téléphone où une des personnes qui accuse le jeune d'avoir tué la fille lui dit oui, il m'a appelé depuis cette cabine de téléphone, et au final on voit que la cabine de téléphone n'existe pas, n'a jamais existé. Commence pas à tout raconter. Oui, je vous raconte, mais les policiers n'ont même pas vérifié s'il y avait une putain de cabine de téléphone à cet endroit-là. Mais enfin, j'ai un niveau d'anglais très très moyen, et pourtant j'étais à fond dans le podcast au point de réécouter deux fois pour tout bien comprendre. Vraiment, écoute, ça s'appelle Serial, c'est dispo sur tous vos trucs de podcast. Allez regarder, c'est vraiment vraiment vraiment très très bien. Voilà. Bah moi, en termes de podcast, là, j'ai découvert 2 heures de perdu. Ah oui. Et j'ai tout mangé, ça m'a trop fait rire, quoi. C'est vraiment cool. Gros, ils prennent un film et ils font le résumé détaillé du film et puis ils disent des conneries. C'est vraiment juste pour rigoler. C'est vraiment être avec une bande de potes et parler de cinéma, enfin, écouter des gens. Et puis à la fin, ils lisent des commentaires Allociné ou Amazon de gens complètement fous. Et j'ai un gros coup de cœur pour le fameux fan de coach. Voilà, ceux qui écoutent l'émission comprendront. Ok. Bah on va vous laisser sur ça. Le dernier titre est un titre choisi par notre ami Juni, c'est du Missy Elliott et j'ai oublié le titre. WTF. Voilà, WTF. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Instagram et surtout votre technologie dont vous êtes dépendant. Oui. Et rendez-vous vendredi pour le deuxième numéro de Geek en série consacré à Penny Dreadful. Voilà. Moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. Vous avez pas une rediff, mais on va vous parler de Rebirth, l'émission qu'on a enregistrée juste avant. Quoi? J'ai rien compris. Rebirth qui sort le 5 mai. Et la semaine encore d'après, on va vous parler de Gardiens de la Galaxie. Et puis voilà, c'est tout. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Avec Sport and Chill qui parle de foot et de plein de trucs dont je ne connais absolument pas parce que je ne connais pas le sport, malheureusement je n'ai pas de culture de sport, et voilà, c'est tout. Allez, à la semaine prochaine. Bye bye. À plus. Ciao. Make you think you're drinking. Yeah. Head to the floor, don't collect that dough. You better huddle up, cause the beat's so cold. Huh? Pop that cock, give it low. Huh? This another hit, I got an ace in the hole. Boys on my back, Claire, did you pick that? You got a small stack, Claire, you can keep that. Huh? I'm a Big Mac, make you wanna eat that. Like, yak it to the yak. Yeah. Junk in the trunk, make it pumps in the bump. Girls wanna have fun, make you stick it out the tongue. Huh? The dance that you're doing is dumb. How to do where you from? Hey. Sticking out the tongue, girl, but you know you're too young. A bunch of girls do it and the shit look fun. That's how they do where we from. You know it don't start till one. That's how they do where they from. I'm coming to this bitch like liquid. Drip, drip, then the business. Click, click, get your pick lip. Hermes, trips my gets this. Witness, and get lifted. Basic, nigga, I was born in a basement. Shape shift, nigga, I think like a spaceship. False, oh no, no, no. I am so different than y'all, so far apart. The way that I balance the bars, I never fall. And if I do, I just call the almighty yellow star. God, lyrically, I'm Optimus Prime. Don't call I drive. Look, wherever I ride. When I go by, smoke in your eyes, so open your eyes, the joke's on you guys. And you ain't gotta be a mason to see through some of this shit on occasion. Shut it, what? Dance and you're doing this dumb. How they do where you from? Hey, try. Sticking out your tongue, girl, but you know you're too young. A bunch of girls do it and this shit look fun. That's how they do where we from. Hey, you know it don't start till gun. That's how they do where they from. I'm like, make a new track, make them fall on they crack. What? Give them a slap appetizer and stack up. What? So fat in the back, make the buzz all collapse. Yeah, yeah, when I rap, that be all on my jack. Boys wanna tap on this prussy cat. Got a new idea, let me switch it. Man, I'm so futuristic. Big hips and big, big, big hips. Body be thick like a bitch with them. Different rip, ripping shit. Microphone gripping it. Getting these Benjamins, new car whipping it. I'm so far ahead of y'all. Man, I'm on top of the stars. I don't care none of y'all. Blah, blah, blah, blah. You best to go rewrite your balls.